Chapitre 28e. La visite d'Anatole jeta le colonel dans de pénibles réflexions. Non pas qu'il eût appris sur ce cher cousin des choses auxquelles il ne devait pas s'attendre. Prévenu par Denisot, renseigné dans une certaine mesure par Raphaël, éclairé par M. le Méauté, il savait à l'avance qu'il ne trouverait pas en lui un bon petit jeune homme simple et naïf. Cependant, la façon dont Anatole avait, dans cette entrevue d'une demi-heure, affirmé son caractère, était bien faite pour lui causer une certaine surprise et en tout cas pour l'inquiéter. Qu'il fût tel ou même pire qu'il venait de se montrer, cela n'avait pas une importance directe au point de vue de leurs relations personnelles. Car ces relations ne s'établiraient jamais entre eux, ou si forcément elles s'établissaient, elles n'iraient pas bien loin. Mais ce pâle voyou, si justement qualifié par Gaston, ce jeune gredin si réussi, était le frère de Thérèse, et c'était là le fait grave, le fait capital. Quelle ressemblance existait entre le frère et la sœur? Physiquement, cette ressemblance était nulle, et les voir l'un à côté de l'autre, sans connaître leur parenté, on n'eût jamais imaginé qu'ils étaient frères et sœurs. Mais moralement, ce n'était point d'un coup d'œil qu'on pouvait décider cette question. Le dedans ne se livre pas comme le dehors. Sans doute, les dissemblances morales paraissaient au premier abord aussi complètes entre eux que les dissemblances physiques. Mais il ne fallait pas oublier que les femmes ne se livrent pas comme les hommes, et d'un autre côté, il fallait considérer aussi que Thérèse n'avait que 16 ans, tandis qu'Anatole en avait 22. Que serait-elle lorsqu'elle aurait l'âge de son frère? Lui-même, qui était-il lorsqu'il n'avait que l'âge de sa sœur? Il n'était pas possible qu'il fût devenu ce qu'il paraissait être depuis sa sortie de la maison paternelle. La fréquentation seule du fourrier ou d'autres gens de même sorte n'était pas suffisante pour expliquer le degré de perfection qu'il avait atteint, et pour le juger avec justice, il fallait chercher en lui ce qu'il devait à la nature et à son éducation première. La part de la nature, il était assez difficile de la démêler, après l'avoir si peu pratiquée. Mais celle de l'éducation se laissait plus facilement deviner, alors qu'on connaissait Soriol. Évidemment, l'influence de cet esprit chimérique avait joué un rôle important dans cette éducation. Et l'on retrouvait la trace du maître dans plus d'une des idées de l'élève, notamment sa spéculation matrimoniale. Son aveu sur ce point avait été significatif. « Mon oncle Soriol a épousé une femme qui travaillait pour lui. Moi, j'en épouserai une qui me dispensera de travailler. J'ai une tête à ça. » De toutes les paroles d'Anatole, celle-là avait le plus fortement frappé le colonel. Assurément, sa manière d'entendre la vie, en ramenant tout au plaisir, était chose grave. Alors surtout que son père lui avait constamment donné l'exemple du devoir et du sacrifice. De même, bien grave aussi était ce mépris du travail chez un fils d'ouvrier, qui depuis son enfance avait vu le travail pratiqué et honoré. Mais tout cela, si plein de menaces que ce fût, était encore moins inquiétant pour le colonel que les idées d'Anatole sur le mariage. Car si Thérèse partageait ses idées, elle ne pouvait pas devenir sa femme. Arrivé à ce point de son raisonnement, il jeta avec colère son cigare et il l'écrasa d'un violent coup de pied. Ce mouvement, qu'il avait fait sans en avoir conscience et sous le coup d'une irritation nerveuse, lui révéla combien vive avait été sa contrariété, en pensant que Thérèse, elle aussi, pouvait chercher une spéculation dans le mariage. Depuis le jour où il l'avait vue pour la première fois, et où, s'en revenant dans la nuit, il avait agité la question de savoir si elle pouvait ou ne pouvait pas être sa femme, il n'avait plus recommencé l'examen de cette question, mais doucement, sans raisonner, sans chercher à justifier ou à condamner un sentiment qu'il ne s'était même pas avoué, il s'était laissé prendre par le charme que cette petite fille avait exercé sur lui. Car c'était bien vraiment le charme qui se dégageait d'elle, comme d'une fleur, un parfum. Rien de brillant, d'éclatant, mais quelque chose de subtil, qui vous pénétrait et ne s'effaçait plus. Près d'elle, on n'était point ébloui, et même, en l'étudiant, on pouvait facilement la critiquer. Mais lorsqu'après l'avoir quittée, on revenait à elle par la pensée, on lui trouvait quelques séductions dont on n'avait point été tout d'abord frappé, et qui surgissaient du souvenir pour ne plus disparaître. C'était une attitude, un geste, un sourire, un pli des lèvres. Combien de fois, en fermant les yeux, l'avait-il revue, assise au milieu de ses fleurs, dans son corsage blanc, le visage éclairé par un sourire, et à ce souvenir s'unissait, sans raison explicable, celui de ce Martin pêcheur qui avait traversé la rivière devant eux, en laissant derrière lui comme un rayon de lumière. Combien de fois s'était-il répété, les lèvres closes, ces quelques mots dont la musique l'avait doucement touché. « Il me semble que le ciel soit ce soir sur la terre. » Il ne la connaissait que depuis quelques jours et déjà les souvenirs s'enchaînaient les uns aux autres. Mais cette visite du frère l'avait rejeté dans la réalité. Qu'était la sœur? Évidemment, à s'en tenir à ce qu'il avait vu et à ce qu'il savait d'elle jusqu'à ce jour, elle pouvait être sa femme. Elle était assez charmante pour qu'il l'aimât. Et d'un autre côté, il avait trouvé dans Antoine un caractère qui devait lui faire désirer de resserrer les liens qui l'unissaient déjà à ce digne homme. Mais ce mariage, possible et facile à arranger avant la visite d'Anatole, devenait difficile, pour ne pas dire impossible, après cette visite. Maintenant, avant d'aller plus loin, il fallait voir et savoir. L'idée d'avoir un pareil beau-frère devait donner à réfléchir, et plus encore celle que cette jeune fille était la sœur d'un pareil chenapan. Ah, si la paternité du comte Roqueblave était vraie! Il se prit à imaginer qu'elle pouvait l'être. Alors tout s'expliquait d'une façon logique et naturelle. Anatole était moralement aussi bien que physiquement le fils de ce comte gredin et chenapan, tandis que Thérèse était la fille d'Antoine, l'honnête homme. Les vices d'Anatole étaient le résultat de l'hérédité comme l'étaient les qualités de Thérèse. L'un et l'autre, ils tenaient leur caractère et leur tempérament de leur père. Mais après s'être abandonné durant quelques minutes à cette idée, il la rejeta loin de lui, se disant qu'elle devait être fausse, et qu'elle avait sûrement été inventée par Anatole, dans un mouvement de vanité, pour s'attribuer une noble origine, ou bien encore, dans quelques circonstances honteuses, pour expliquer ce qui était inexplicable. Alors il revint à la réalité pour l'étreindre d'une main ferme. Il y avait un fait brutal, Thérèse était la sœur d'Anatole. Dans ces conditions, il ne devait donc pas se laisser aller au sentiment naissant qui, d'accord avec les dernières volontés de son père, l'entraînait vers elle. Au contraire, il devait rester calme et froid comme un juge. Il devait l'étudier avec patience et demander au temps de la lui faire connaître telle qu'elle était dans la réalité. Alors, mais alors seulement, si après une longue fréquentation il la trouvait la jeune fille qui lui était apparue tout d'abord, il pourrait revenir à ses idées de mariage. Bien arrêté à ce plan de conduite qu'il se promit d'exécuter fidèlement, il se rendit rue de Charonne pour raconter à Antoine comment Anatole avait accueilli la proposition d'un voyage et d'un établissement en Amérique. Thérèse était seule. Quand elle apprit que son frère ne voulait pas quitter Paris, le colonel crut remarquer en elle un mouvement de satisfaction. Alors il s'arrêta dans son récit et la regarda à fond, d'un œil dur. Elle baissa les yeux devant son regard qui la fouillait et parut confuse. « Comme vous me regardez ?» dit-elle. C'est qu'il m'a paru voir que vous étiez satisfaite du refus de votre frère. C'est vrai, dit-elle, il me semblait que c'était un exil. Ce mot était précisément celui de votre frère, dit-il d'un ton rude. Eh bien, je vous assure qu'Anatole ne mérite pas l'exil. Il y a un malentendu entre lui et notre père, et comme il ne se voit pas, ce malentendu ne peut pas cesser. Mais il me semble que si vous voulez bien intervenir entre eux, vous pourrez les rapprocher. Vous verrez comme mon père sera heureux. Je ne sais vraiment pas comment il aurait supporté le départ d'Anatole. Depuis 2 jours, il ne mange plus. La nuit, je l'entends marcher dans sa chambre. Je voudrais le distraire, mais je ne sais pas comment. Si encore nous avions la pêche, mais elle est fermée, et si nous allons lundi au moulin flottant, le désœuvrement l'attristera encore davantage. Les premières paroles de Thérèse avaient blessé le colonel. Décidément, elle ressemblait à son frère jusqu'au point d'avoir les mêmes idées et les mêmes mots que lui. Mais cette sollicitude pour son père et cette tendre et s'inquiète changèrent ce sentiment de répulsion. « Voulez-vous que je vous aide ? » dit-il. « Ah, si vous le vouliez ! » s'écria-t-elle. « Certainement, je le veux. Et je vais demander à mon oncle de passer avec moi la journée de dimanche. Non, pas dimanche, parce qu'il va à l'exposition avec plusieurs de ses amis, pour un rapport. Mais celle de lundi, qui est jour de fête. Et où irons-nous ? Où vous voudrez ? Voulez-vous que je vous mène en voiture aux courses du bois de Boulogne ? Ensuite, nous rentrerons dîner à Paris tous ensemble. Ah, les courses, quel bonheur! Je ne les ai jamais vues. » Antoine, accompagné de Soriol, rentra sur ce mot et le colonel lui raconta comment Anatole avait refusé de partir pour l'Amérique. « Je m'en doutais, » dit Antoine en baissant la tête. « Vous savez, » continua Soriol, « ce qui est lointain ne l'a jamais intéressé. Il lui faut des choses d'une consommation immédiate. » Le colonel, ne voulant pas laisser s'engager une conversation sur ce sujet, qui ne pouvait être que pénible pour Antoine, fit son invitation pour le lundi. Mais Antoine refusa. Les courses, cela n'avait aucun intérêt pour lui. Cependant, comme il vit un nuage passer sur le visage de sa fille, il revint sur ce refus, et il fut convenu que le colonel irait aux courses avec Sorieul et Thérèse, tandis qu'Antoine passerait la journée à l'exposition, le soir, on dînerait ensemble. En se retirant, le colonel croisa dans la cour Denisot qui rentrait, et l'idée lui vint d'interroger celui-ci sur la naissance d'Anatole. Mais Denisot affirma la parfaite honnêteté de la femme d'Antoine. Il l'avait connue, bien connue. Jamais un mot ne s'était élevé contre elle, jamais le plus léger soupçon. Elle aimait fidèlement son mari, ils étaient les gens les plus heureux du monde. Quant au comte Roqueblave, c'était la première fois qu'il entendait prononcer ce nom. « Vous ne pouvez pas comprendre que Thérèse soit la sœur d'Anatole, n'est-ce pas ? Et pourtant elle l'est, soyez-en certains. »